On va parler des marquis de Jonquin. C'est la chronique des marquis de Jonquin de la Ligue nord-américaine avec le descripteur des matchs à CKJ, Dominique Bolduc. Salut Dominique! Salut Dominique, Dominique. fiche de 500 fin de semaine pour les marquis de Jonquin. Oui, tu as là cette semaine 3 points sur une possibilité de 4. Ça a débuté vendredi au Palais des Sports contre Sorel-Tracy. Très bonne rencontre. Évidemment, les marquis devaient débuter en force comme ils ont fait contre Laval. Ils devaient garder l'avance qu'ils ont fait. Donc, ils étaient 4-0 dès les 8 premières minutes. Par la suite, ils ont su garder leur avance. Évidemment, il fallait faire attention aux punitions, ce qui a quand même été une amélioration. Et samedi, ben, c'était contre les champions de la Coupe d'Ordure, la Souranca de Thetford Mines, qui a vraiment une équipe. Le noyau est encore là. L'ajout d'Alexandre Tremblay, qui est de retour de l'Europe, qui est très, très, très rapide. On a eu droit. Même si c'est un match des débuts de saison, là, un avant-goût des séries éliminatoires. On avait vraiment l'impression que c'était un match des séries, que les joueurs étaient vraiment réchauffés. Très intense, finalement, une victoire de Thetford Mines en prolongation. Une prolongation à 3 contre 3 qui a été très... OK, c'était une de mes questions. 3 contre 3, ça existe aussi dans la Ligue nord-américaine? Oui, exactement. On a décidé d'implanter ça cette année aussi. Okay. On a suivi le règlement de la Ligue nationale. Puis, sérieusement, ça a été une excellente décision. J'espère que bientôt, on va avoir la chance de voir ça du côté du Palais des Sports. Les gens seront... Ben, effectivement. Comment nos joueurs régionaux, comment ils se sont comportés dans l'ensemble? Jean-Simon Allard de Saint-Bruno, Mathieu Tremblay, on a vu ici. Ça a-tu bien été pour eux autres? Oui, exactement. Mathieu Tremblay a pris sa place sur le troisième trio, va être délogé. On lui a donné un poste un peu plus défensif, en désavantage numérique, dérange beaucoup la défensive à la pointe, bloque des tirs, n'a pas peur de se lancer devant les lancers. Okay. Très rapide lorsqu'il y a un dégagement, peut arriver avant les défenseurs. Un bon coup de patin. Pour ce qui est Jean-Simon Allard, bon, il est toujours sur le trio avec Hugo Carpentier et Jay Corsi. Très bien fait également, manqué de bonne chance. Il y a eu un bon lancer qui a créé l'égalité lors du match. Il a redonné les devants lors du match contre Thetford Mines en fin de deuxième période en avantage numérique. Il est allé d'un bon lancer du poignet qui a été dévié devant le filet par Hugo Carpentier. Non, vraiment, Jean-Simon Allard a pris sa place également. C'est un gros travail qu'on l'a connu. Hey, la nouvelle de la semaine, on en parlait la semaine passée, Francis Charrette, Bruno Saint-Jacques, il m'en manque un là, qui ne sera pas de retour, Nicolas Marcotte, c'est trois piliers des marqués dans les années à venir. Bon, c'est sûr qu'ils ne seront pas de retour, ils vont sûrement être échangés. Quand un joueur est sur le marché des échanges comme ça, puis tout le monde sait qu'il ne revient pas à Jonquin, j'imagine que la valeur marchande est moins forte. Oui, évidemment, la valeur marchande est un petit peu moins forte, mais lorsqu'on regarde le calibre et le talent de Francis Charrette et Bruno Saint-Jacques, ben, on sait qu'ils ont une très, très, très grande valeur. Donc, c'est sûr et certain que si les marquis sont pour échanger ces joueurs-là, il va y avoir quelque chose de très intéressant en retour. Il ne faut pas s'attendre à ce que Francis Charrette ou Bruno Saint-Jacques se fassent échanger contre un joueur repêchage, c'est impossible. Ça va être un joueur de très bon calibre qui a déjà sa place dans la Ligue nord-américaine. Sinon, ça peut être un, deux ou même trois joueurs. Là. Ça, c'est sûr et certain. Évidemment, que du côté de Marmouvin, mais je pense que c'est lui qui a le gros bout du bâton parce qu'il y a de très bonnes pièces d'échange. Et s'il n'y a rien en retour, ben ça ne lui dérange pas de les laisser sur la liste des marquis, puisque pour l'instant, ça ne dérange pas vraiment l'alignement, puisque même s'ils ne sont pas là, l'équipe joue très bien. La clé, c'est quoi? C'est de créer de mettre deux équipes en compétition puis créer une surenchère. J'imagine si on joue bien nos cartes, là. Oui, exactement. C'est sûr que si on regarde ça, on voit que bon, d'un côté, il y a peut-être un joueur, de l'autre côté, il y a peut-être deux joueurs. Ben là, lui, il y a lui, qu'est-ce que tu aurais d'autre? Donc, on est en train de magasiner. Je sais que Marc Boivin jase beaucoup avec les autres organisations, mais il est mieux prendre son temps et prendre la meilleure décision pour le. Je regarde pourquoi il ne revient pas, c'est parce que c'est son travail, quoi. C'est. Ouais, ben c'est ça, son travail fait en sorte que le vendredi, il ne peut pas vraiment se déplacer. Il finit plus tard le vendredi, donc ça serait plus tannant un peu. Il y aurait peut-être des disponibilités, mais en fait, ce que les joueurs veulent, c'est avoir une équipe où les joueurs sont là à 100%. C'est pour ça, durant l'été, que les joueurs comme Simon Laliberté et Dominique Léveillé ont été changés parce qu'eux n'allaient pas être là une bonne partie de la saison. On ne veut pas revivre la même chose. OK. Donc, en fin de semaine maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour les marquer? À vendredi, match à Rivière-du-Loup. On sait Rivière-du-Loup, une équipe qui s'est beaucoup améliorée. On a exactement la même fiche que les marquis. 2 victoires, 1 défaite et 1 défaite en prolongation. Leur nouveau gardien, Travis Fullerton, qui est très bon. qui a remporté une victoire en début de saison. Surveiller Marc-André Tourigny, qui a un bon début de saison, 9 points en 4 matchs, un joueur très rapide, le noyau du 3A qui est toujours là, évidemment, les gros compteurs comme Sylvain Deschâtelet, également, champ de la case. Donc, ça risque d'être un très bon match. Et samedi, au Palais des Sports, la surenchère de Thetford qui vont être là. C'est un match qui ressemble à celui de samedi qu'on a eu à Tetremes, on va avoir tout un match de hockey. C'est un rendez-vous au Palais des Sports. Le match qui est à 16h samedi en raison du Galabox qui est présenté en soirée, on a décidé de l'avancer le match. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de monde tout de même, là, même si le match est en fin d'après-midi, parce que ça va être OK. Ben Dominique, on se parle demain sur les ondes de CKG. Dominique Bauduc de la station CKG.